Il y a combien de personnes dans la salle? Soyez honnête, là. Vous comprenez pas? Il y a combien de personnes dans la salle? C'est subtil. Je viens d'avoir la réponse. Non. La raison pour laquelle je vous demande cette question-là, c'est parce que ça marche pas là-bas. Ça marche-tu là? La raison pour laquelle je vous demande cette question-là, c'est parce que je veux pas aller trop vite dans le matériel. Alors, je veux pas aller trop vite dans le matériel. Alors, je veux pas qu'il se crée comme un fossé entre un certain nombre de personnes et d'autres personnes. Je veux que tout le bloc avance en même temps, malgré que je peux pas retarder ce que j'ai à dire. Ce que j'ai à dire, il faut que je le dise. Seulement, je peux le dire de multiples façons pour que ça couvre un petit peu plus tout le territoire psychologique de la salle. Alors, ce que je vous demande, soyez honnête là envers moi, et ceux qui comprennent ou qui sentent ou qui perçoivent ce que j'ai dit après-midi, donne-moi donne main. Sacrement. Alors, ça se comprend tant que ça. Ah ben, je suis bien content. Fait que là, je peux continuer. C'est extraordinaire parce que ça me libère. Ça me permet de continuer. Parce que comme je vous dis souvent, j'ai pas commencé à parler. Remarquez que ce que je vous dis, c'est vibratoire. Alors, ça se comprend vibratoirement. Ça se sent, ça rentre. Je veux commencer à éclaircir le mythe de la divinité. La raison pour laquelle je veux éclaircir le mythe de la divinité, c'est parce que je veux faire comprendre à l'homme, comme j'ai dit auparavant, que l'évolution de la connaissance dans le monde sur notre planète, l'évolution du savoir, est une convention. Et quand je dis que tout est conventionnel, je veux dire que tout est déjà préétabli dans le temps par des intelligences. Et l'évolution de la connaissance sur la Terre, dans toutes ses formes multiples, est en fonction, de conventions qui ont été établies dans le temps par des intelligences qui eux-mêmes étaient en évolution. Des intelligences qui étaient extra-systémiques ou des intelligences qui ont évolué à l'intérieur du système. Et parce que la connaissance d'une planète, d'une race, est une convention, il est essentiel pour que la race évolue que les conventions anciennes soient éventuellement changées, c'est-à-dire que les conventions anciennes soient transmutées dans leur fondation, dans leur fondement. C'est-à-dire que l'état psychologique des conventions de la connaissance, la fonction psychologique de la vérité versus le mensonge, la fonction psychologique du bien et du mal, la fonction psychologique de Dieu et de Satan, la fonction psychologique du sacré et du profane, doit être éventuellement totalement transmuté afin que l'homme futur, l'homme de la race future, au lieu de fonctionner en vertu d'une convention, fonctionne éventuellement simplement en vertu de l'énergie. Et quand je dis que l'homme un jour doit fonctionner en fonction de l'énergie au lieu de fonctionner en fonction d'une convention, je veux dire que l'homme futur n'aura plus besoin de se préoccuper des affaires de la Terre ou des affaires de l'astral pour continuer son évolution. l'homme de demain, l'homme, le surhomme, l'homme qui sera au-delà des conventions planétaires, sera un être dont la conscience sera la projection de l'énergie dans le temps, au lieu d'être l'impression créée dans son corps astral. Pour lui donner la vision ou l'impression d'un lui-même. Je veux dire que l'homme de demain sera un être dont la conscience sera la projection d'une énergie dans le temps. Et ceci n'a pas été exécuté encore dans le mode d'évolution de la planète Terre. Et c'est très important un jour que l'homme puisse être une énergie projetée dans le temps. Parce que lorsque l'homme sera arrivé à ce stade d'énergisation de ses principes, il sera possible alors pour l'homme, pour la science sur la Terre, de développer des systèmes de téléportation qui permettront à l'homme d'être projeté dans le temps et de ne pas perdre conscience, c'est-à-dire de ne pas perdre la liaison entre son principe physique, éthérique, émotionnel ou mental. Mais pour que l'homme se réalise en tant qu'énergie projetée dans le temps, ce qu'on peut appeler la conscience moroncielle, il faut que cet homme soit totalement libre des conventions astrales qui s'imposent par le biais du mental ou de l'émotion sur sa conscience corporelle, humaine, planétaire. Ceci veut dire que pour que l'homme évolue dans la lumière, pour que l'homme soit porteur de lumière, c'est-à-dire pour que l'homme soit porteur d'intelligence, il faut que lui soit totalement libéré des conventions de la connaissance qui font partie de la mémoire de la race, afin de pouvoir un jour porter son intelligence dans différentes dimensions, dans différents espaces cosmiques dont on appelle le mental, l'astral et l'éthérique, ou le physique. Comprenez-vous ce que je veux dire? Aujourd'hui, l'homme est vissé à la Terre. Aujourd'hui, l'homme ne peut pas porter dans différents temps son intelligence parce qu'il est forcé, à cause des liens moléculaires de son corps physique sur ses autres principes, à porter sa connaissance physiquement dans le monde. Demain, l'homme sera obligé de porter son intelligence à la fois sur le plan matériel, à la fois sur le plan éthérique, à la fois sur le plan astral et à la fois sur le plan mental. De sorte que l'homme demain remplira plusieurs fonctions à la fois, selon le cas, selon la nécessité. Mais pour qu'il remplisse ses fonctions, il faut que lui soit libre des conventions de la connaissance qui existent dans la race humaine aujourd'hui. Et les conventions de la connaissance qui existent dans la race humaine aujourd'hui sont extrêmement fortes, sont extrêmement puissantes. Pourquoi? Parce que l'homme est encore dans sa nature animale, c'est-à-dire qu'il y a une partie de l'homme qui est animal et il y a une partie de l'homme qui est au-delà de ce règne. Et la puissance de la nature animale que l'on voit concentrée dans sa conscience astrale, exprimée dans son émotivité, est la force qui veut maintenir en lui la convention de la connaissance. C'est pourquoi c'est si difficile à l'homme intellectuel d'aller vers le spirituel, et c'est si difficile à l'homme spirituel d'aller vers l'abolition de tout. Parce que dans les deux cas, la nature animale agit. La nature animale agit sur l'homme qui veut demeurer dans l'intellect, et la nature animale agit sur l'homme qui veut demeurer dans le spirituel. Et c'est une drôle de contradiction, parce qu'on aurait l'impression de penser que plus un homme va vers le spirituel, moins il est animal. Mais ça, ça fait partie des nuances et des subtiles connexions qui existent entre l'astral et le mental humain, et l'émotionnel humain. Ce qui est animal dans l'homme fait partie de la conscience de l'intérieur de l'homme. Ce qui est animal dans l'homme fait partie de la conscience astrale de l'homme. Ce qui fait partie de la conscience astrale de l'homme, que ce soit humain simplement ou animal simplement, est toujours en raccord avec les impressions qui viennent du monde astral, autrement dit, qui fait partie de la convention de la connaissance raciale planétaire de l'humanité, qui est vouée à passer par télépathie, par impression, dans son mental, pour qu'il y ait toujours un lien entre l'homme animal et l'homme potentiel humain pur. Alors, l'homme doit un jour réaliser la convention de la connaissance, c'est-à-dire qu'il doit réaliser qu'il y a dans la connaissance des lois dont la fondation est basée sur le principe de la polarité qui, universellement parlant, se réfléchit dans la symbologie du plus et du moins, du bien et du mal. Mais l'homme qui va vers l'énergie, l'homme qui un jour pourra apporter dans le cosmos, dans différents cosmos, dans différentes sphères, l'intelligence qui fera partie de la conscience atomique de son être, ne peut pas être limité par le bien et le mal parce que, dans certains cosmos, le bien est la loi. Dans d'autres cosmos, le mal est la loi. Et un homme qui est énergie doit être capable d'aller dans le cosmos où le mal est la loi, et doit être capable d'aller dans le cosmos où le bien est la loi, et traduire dans ces différents cosmos, implanter, faire entrer dans différents cosmos, l'intelligence qui neutralise le mal et qui neutralise le bien. Exemple. Dans notre système solaire, il y a une planète que l'on appelle physiquement et astrologiquement Pluton. Alors, la planète Pluton est une planète qui, dans les cosmos invisibles, est une planète de vibration négative, c'est-à-dire une planète qui engendre ce qu'on appelle, nous, sur le plan humain, le mal, la souffrance, la détérioration, la division, ainsi de suite. Dans notre même cosmos, il y a une autre planète qui, dans les plans invisibles, constitue ce que nous appelons le bien, Vénus, l'amour, ainsi de suite. Mais l'homme, un jour, doit être capable d'aller dans le monde invisible de Vénus et aller dans le monde invisible de Pluton, à volonté, sans être affecté dans sa conscience, par les lois de ces mondes-là. Pourquoi? Pour pouvoir porter de l'intelligence dans ces mondes-là. Ceci veut dire quoi? Qu'est-ce qu'un homme dans l'intelligence peut faire dans une planète où les lois sont des lois de bien, ou dans une autre planète où les lois sont des lois du mal? Ce que l'intelligence fait, c'est qu'elle permet au bien de devenir plus grand, plus parfait, et au mal de devenir plus parfait. Alors, que le bien devienne plus parfait, si on le comprend, on l'accepte, parce que c'est bien. Mais que le mal devienne plus parfait, ça, on ne s'attend pas à ça. Pourquoi? Parce qu'on a une conception émotive du mal. On n'a pas une science du mal. Et n'ayant pas une science du mal, on n'a pas la compréhension parfaite des lois de cette énergie négative. Et les lois de l'énergie positive, dont le bien est un autre aspect, sont beaucoup plus près de nous parce que nous, les hommes, nous avons été enseignés par les initiés à évoluer vers le bien plutôt que vers le mal, afin que demeure intacte la race humaine, afin qu'elle ne se détruise pas. Mais ça, c'est sur le plan des impressions humaines. Sur le plan cosmique, autrement dit, sur le plan de l'énergie, sur le plan des mondes où différentes sortes d'énergie existent, le bien et le mal doivent exister en parfaite harmonie. Et nous retrouvons le bien et le mal cosmique dans la structure vibratoire de l'atome. Lorsque nous voyons que dans un atome, il y a des particules négatives qu'on appelle l'électron et des particules positives qu'on appelle le proton. Alors, le proton fait partie du bien et l'électron fait partie du mal. Mais tant que nous avons des conceptions émotionnelles de la réalité, tant que nous avons des conceptions qui nous lient à une convention extrêmement primitive du bien et du mal, nous ne sommes pas capables de nous servir de notre intelligence pour pouvoir éventuellement créer un équilibre entre le bien d'une planète et le mal d'une autre, afin de créer un nouveau système dans un éther quelconque que nous habiterons dans l'avenir. Autrement dit, l'homme connaîtra, saura dans l'avenir que dans un système tel que le système solaire, où nous avons un soleil et des planètes qui tournent, que sur les plans invisibles de ces planètes-là, il y a des forces, et que ces forces-là doivent être utilisées pour créer à l'intérieur de ces éthers d'autres systèmes électroniques, d'autres systèmes atomiques qui conviennent, qui sont en harmonie parfaite avec la conscience éthérique en évolution de l'humanité qui sera à ce moment-là créateur. Autrement dit, l'homme sera obligé un jour d'aller sur Vénus et d'aller sur Pluton, dans les espaces invisibles de ces planètes, de se servir des énergies ambiantes de ces planètes et de créer une synthèse afin de créer un nouveau système solaire. Et ce nouveau système solaire sera créé par l'homme dans des conditions, dans des dimensions qui sont invisibles aujourd'hui, qui feront partie de son éther, qui feront partie de son espace éthérique. Et remarquez, l'homme fera dans l'éther ce que la hiérarchie a fait dans le passé. La hiérarchie dans le passé a créé les systèmes planétaires, a créé les galaxies, a créé les super-univers, et ainsi de suite. La hiérarchie a créé des systèmes de base pour l'évolution des espèces humaines. Et lorsque l'homme sera dans l'éthérique, l'homme commencera avec l'ajusteur de pensée, en relation avec l'ajusteur de pensée, à créer des univers dans ces espaces qui seront le microcosme du macrocosme. Mais pour que l'homme crée le microcosme du macrocosme, pour que l'homme crée, non pas à son image, mais à la lueur de son intelligence, des univers pour l'évolution des animaux dans les avenirs très loin, il faut qu'ils soient totalement en dehors de la convention de la connaissance. Un peu comme les êtres qui ont créé les univers que nous connaissons pour l'évolution de l'homme étaient totalement en dehors de la convention de la connaissance. Parce que la connaissance est une condition imposée à une race pour que se développe, se moule, au cours des millénaires, les principes moteurs de cette race, dont le mental, l'émotionnel, le vital et le physique. C'est la seule fonction de la connaissance, c'est de faire développer le mental, l'émotionnel. Il n'y a aucune autre fonction à la connaissance que le développement du mental. C'est ce que la connaissance fait, elle fait développer le corps mental. Mais lorsque l'homme sera dans sa conscience pure, il n'aura plus besoin de connaissance. Parce qu'il sera dans l'énergie de l'intelligence. Et l'énergie de cette intelligence créera un continuum microcosmique à l'intérieur d'une dimension où l'homme se retrouvera en fusion avec l'ajusteur de pensée. Alors, sans aller trop loin dans ces temps, dans cette réalité, mais pour faire une connexion avec ce que nous sommes aujourd'hui sur le plan humain, en fonction de la convention de la connaissance qui nous lie, en fonction de l'évolution de la connaissance, en fonction de la bonté de la connaissance, de la spiritualité de la connaissance, il faut que les hommes de la Terre comprennent un jour ou l'autre, que toute convention dans laquelle ils sont invités à rechercher, à développer de la connaissance, fait partie de l'esclavage humain contre l'intelligence. J'ai déjà dit que l'intelligence est anti-ego. Alors, ceci veut dire que l'intelligence est anti-ego. Ça veut dire que l'intelligence est anti tout ce qui donne à l'ego une raison d'être. Et ce qui donne à l'ego une raison d'être dans l'expérience contemporaine, c'est sa recherche, sa curiosité, son avidité, le mouvement incessant du développement d'une spiritualité. Et l'intelligence est anti ceci parce que l'intelligence est anti-convention, parce que l'intelligence est au-dessus du bien et du mal. Et comme elle est au-dessus du bien et du mal, et que l'ego, lui, à cause de sa nature, est soit lié à une convention positive ou à une convention négative, l'ego perd de l'équilibre dans ses énergies. Et regardez les gens qui sont dans une énergie négative, ils sont déséquilibrés. Et regardez les gens qui sont dans une très haute spiritualité, ils sont déséquilibrés. Il y a toujours un déséquilibre parce qu'un homme ne peut pas vivre simplement d'énergie positive, il doit avoir en lui aussi de l'énergie négative. Et un homme ne peut pas avoir simplement de l'énergie négative, il doit avoir en lui aussi de l'énergie positive. Il doit y avoir un équilibre.